Il est 13h19 et il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud avec ses rendez-vous avec X. On croyait avoir vu le pire. Déjà 7 ans de guerre civile et des dizaines de milliers de morts. En 1982, le petit Liban, cette Suisse du Moyen-Orient, comme on l'avait autrefois appelé, était en lambeaux et sa capitale, Beyrouth, n'était plus qu'un champ de ruines. Deux puissances étrangères, Israël et la Syrie, occupaient de larges pans de son territoire, presque 80%. Son armée, divisée entre chrétiens et musulmans, était réduite à l'impuissance et ses autorités politiques étaient dans l'impossibilité de gouverner. Pourtant, en août 1982, les Libanais s'étaient repris à espérer. Un jeune président de la République, Béchir Gemayel, venait d'être élu chef du camp chrétien. Il promettait la réconciliation et l'apaisement. Et on oubliait ses violences passées et même le fait qu'il devait son élection à l'invasion israélienne. Mais 3 semaines plus tard, un attentat anéantissait cet espoir. Fou de haine et de vengeance, ses partisans allaient massacrer les réfugiés des camps palestiniens de Sabra et Shatila grâce à la passivité, sinon la connivence, des soldats israéliens. Mais un nouvel espoir ne tardait pas à naître. Le frère du président assassiné, Amin, était à son tour élu. Lui aussi prêchait la pacification des esprits et recevait non seulement le soutien des principaux seigneurs de la guerre libanais, mais également celui d'une partie de la communauté internationale qui acceptait d'envoyer au Liban une force d'interposition composée de soldats états-uniens, français, italiens et britanniques. Malgré tout, le Liban allait bientôt retomber dans le chaos. Une situation peut-être encore plus catastrophique que celle qu'il avait connue durant les 7 premières années de la guerre civile. C'est la 3e partie de l'entretien que m'a accordé M. X sur le douloureux dossier libanais. France Inter, rendez-vous avec X. Le mandat d'Amin Gemayel commence sous les meilleurs auspices. On voit même des Libanais qui s'étaient exilés à cause de la guerre revenir au pays. Et à Beyrouth même, des passages sont ouverts entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire entre les zones musulmanes et chrétiennes. Oui, les États-Unis semblent décidés à s'impliquer en participant financièrement à la reconstruction du pays. Mais de nombreuses difficultés demeurent, à commencer par l'occupation israélienne. Encore une fois, Washington pèse de tout son poids. Et au mois de mai 1983, Israéliens et Libanais arrivent à un accord. Il est mis fin à l'état de guerre et en échange de l'évacuation de l'armée israélienne, Beyrouth accepte l'instauration d'une zone de sécurité au sud du Liban. Donc, une amputation, enfin, de facto, du territoire libanais. Et ce ne sera pas sans conséquence, vous allez le voir. En outre, une clause secrète de l'accord conditionne le retrait israélien à celui des troupes syriennes et palestiniennes. Mais quoi qu'il en soit, cette négociation bilatérale provoque la fureur de la Syrie. Dès le lendemain, une pluie d'obus s'abat sur Beyrouth Est et le réduit chrétien. Parce que Damas refuse de quitter le Liban. Bah évidemment. Ouais. Appelé autrefois par le président chrétien Soleiman Frangier, les Syriens n'ont pas du tout l'intention de bouger. Et le président Hafez al-Assad accuse le gouvernement libanais d'être subordonné à l'ennemi sioniste. À vrai dire, les Syriens ne sont pas les seuls à dénoncer cet accord. Les Druzes, les chiites et les palestiniens sont sur la même ligne et dénoncent cette atteinte à la souveraineté libanaise et accusent Gemayel d'être manipulé par les extrémistes chrétiens. Et les phalangistes. Oui. Et ben, ça se complique pour le président Gemayel. Hein. Alors, en effet, oui. Car ni Israël ni la Syrie n'ont envie de lui faciliter la tâche, bien au contraire. Israël d'abord. Tel Aviv a définitivement renoncé à la création d'un État maronite allié. Le rêve de Sharon. Et le principal souci des Israéliens, c'est maintenant cette zone de sécurité au sud du Liban. Or, dans cette zone, contrôlée en principe par l'armée du sud du Liban, du commandant Haddad... L'allié Haddad, hein, l'allié le protégé des, ouais, des ça, Israéliens. Ouais. Ouais. Donc, dans cette zone, une résistance est née, initiée à la fois par des Palestiniens, des chiites, du mouvement Hamal, et des nouveaux venus, les miliciens du Hezbollah, également chiites. Oui, ceux-là sont téléguidés par l'Iran. Oui, et Israël, non sans arrière-pensée, décide soudain d'évacuer la montagne du Chouf. C'est-à-dire le fief des Druzes. Et en remettant le contrôle de la région à ces mêmes Druzes, au lieu de la confier à l'armée libanaise. Les Israéliens savent très bien ce qu'il en adviendra. Quoi ? Bah, ce qu'on a appelé la guerre de la montagne, c'est-à-dire un conflit sanglant entre druzes et chrétiens. Dès le départ de Tsahal, l'armée épaulée par les forces libanaises... Les phalangistes, essentiellement. Oui, oui. Donc l'armée se lance à l'assaut du Chouf. Et non seulement les druzes résistent, mais ils s'emparent de plusieurs villages chrétiens de la montagne. Et cette guerre confessionnelle provoque la mort de plusieurs centaines de civils et combattants et complique encore un peu plus l'imbroglio libanais. Expliquez plus précisément. Du côté druze, on a reçu le soutien des Palestiniens, mais aussi des Syriens. Et discrètement, les Israéliens ont aussi donné un coup de main. Enfin, pourquoi c'est encore un retournement d'alliance. Oui, mais enfin, qui n'est pas officiel, non. Ce que cherchent les Israéliens, c'est la déstabilisation du pays, hein, point c'est tout. Parce qu'ils en veulent à Amin Gemayel. Mais pourquoi alors ? Bah, l'accord passé entre Libanais et Israéliens au sujet du retrait de Tsahal n'a toujours pas été ratifié par le président libanais. Parce que celui-ci ne veut pas ou ne peut pas obtenir le retrait parallèle des troupes syriennes. Donc, j'essaie de comprendre. En laissant face à face les chrétiens et les druzes, Israël entend adresser un message à Gemayel. Ah bah c'est certain, parce que les Israéliens peuvent rééditer cette opération dans le sud du pays, s'ils retirent leurs troupes. Des villages chrétiens se trouveront à nouveau sous la menace directe des milices islamistes. Et de nouveaux massacres se produiront. Inévitablement. Mais si vous voulez bien, je reviens à la guerre de la montagne entre druzes et chrétiens. Elle obéit aussi à des considérations internationales. Au Kremlin, on a guère apprécié la mise en place d'une force d'interposition occidentale. Il était donc tentant d'essayer de prendre une revanche. Mais d'accord, mais comment ? Bah, en équipant militairement l'allié syrien. Et en le poussant à intervenir dans le Chouf. Même si Hafez al-Assad n'avait pas besoin d'être poussé. Oui, bon, cette internationalisation de la guerre de la montagne est avérée lorsque les chrétiens, en difficulté, reçoivent, eux, l'aide de l'aviation et de la marine états-unienne qui bombardent les positions druzes et syriennes. C'est très grave. Parce qu'en principe, la force multinationale doit se garder de prendre parti. Ah oui, elle n'est là que pour garantir l'ordre. Hein. Un ordre, par ailleurs, fort précaire. Et ce n'est pas par hasard si quelques jours plus tard, deux camions suicides provoquent un massacre à la fois dans les quartiers généraux américains et français. Et ça c'est un rapport direct avec la guerre de la montagne ? En partie, oui. Parce qu'il y a aussi d'autres raisons. Ces terribles attentats ont été commandités par les Syriens, peut-être avec l'aide des Iraniens. Les Syriens, parce qu'ils sont hostiles à la présence de la force multinationale qui entrave leurs ambitions au Liban. C'est-à-dire la mainmise sur le pays, quoi. Et les Iraniens, parce qu'ils veulent punir le grand et le petit Satan. Oui, les États-Unis et la France. Hein. La France, contre laquelle ils nourrissent de nombreux griefs. Nous en avons souvent parlé. En même temps, de violents incidents opposent les chiites de la milice Hamal à l'armée libanaise. L'enjeu étant le contrôle de Beyrouth Ouest. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, le camp chrétien se fissure. Le clan de Soleiman Frangier, l'ennemi de Gemayel, se rallie à Damas. Ouais, nouveau point marqué par Hafez al-Assad. Hafez al-Assad qui entend en profiter aussi pour asseoir définitivement son autorité sur l'OLP de Yasser Arafat. Arafat qui est revenu au Liban et a reconstitué une partie de ses forces au nord, à Tripoli. Hafez al-Assad, le Bismarck syrien, comme l'appelle Kissinger, suscite la création d'un mouvement palestinien dissident et avec l'aide de ses rebelles, lance ses troupes contre celles d'Arafat. Et à l'issue d'un siège qui dure 3 mois, le leader palestinien et ses 4000 fidèles doivent quitter une fois de plus le Liban sous la protection des forces françaises. Ouais, je me souviens. Bon, enfin, c'est quand même décidément très compliqué, hein, tout ça. Ah oui, mais ça ne fait que commencer, car les retournements d'alliances vont se multiplier. En fait, ce sont les États de la région qui se font la guerre par milices interposées, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et bien sûr, Israël qui met de l'huile sur le feu. Quant à la richissime Arabie Saoudite, elle a beau financer les uns et les autres, elle peine à rétablir la paix. Pourtant, fin 1983, puis en mars 1984, les Saoudiens obtiennent que les principales factions se réunissent en Suisse, autour du président Gemayel. Avec quel résultat ? Médiocre. Certes, on assiste à une sorte de réconciliation. Toutefois, c'est une réconciliation de façade, même si un gouvernement d'union nationale réunit provisoirement les leaders des principaux mouvements. Car le point d'achoppement demeure cet accord bilatéral négocié avec Israël. Un accord que Gemayel n'a toujours pas ratifié, parce que l'opposition, essentiellement musulmane et progressiste, s'y oppose. On ne peut pas, disent ses dirigeants, mettre sur un pied d'égalité le frère syrien et l'ennemi israélien. Le frère syrien. Oui, enfin, l'encombrant frère syrien, qui est plus que jamais maître de la situation. C'est à Damas que tout se passe, et les leaders font le voyage à tour de rôle. Pour recevoir des ordres ? Ou de conseils. Alors, pour essayer d'y voir clair, voyons les autres points essentiels qui caractérisent la crise libanaise en ce milieu des années 80. Il faut d'abord noter la montée en puissance de la communauté chiite. Oui, le mouvement Hamal. Hein. Et le Hezbollah présent au sud Liban et jusque dans la banlieue de Beyrouth. Deux mouvements qui seront bientôt rivaux. Le premier étant soutenu par les Syriens et le deuxième par l'Iran. En tout cas, les chiites forment maintenant la communauté la plus importante du pays, même si, officiellement, on se réfère toujours au recensement de 1932. Ce fameux recensement qui avait formalisé la primauté des maronites. Hein. Oui. Deuxième observation. Les chrétiens, déjà divisés entre le clan frangier et le clan gemayel, vont connaître une nouvelle scission, au sein même du camp phalangiste. Une sorte de putsch perpétré par deux jeunes ambitieux, Samir Jaja et Eli Obeika. Et deux chefs de guerre qui, il faut le rappeler, ont participé au massacre de Sabra et Chatila. Exactement, hein. Oui. Et prenant rapidement un ascendant militaire dans le camp chrétien, ils se tournent tous les deux vers Damas. Encore un spectaculaire retournement d'alliance. Oui, ouais, troisième point. C'est aussi le moment où on assiste à une véritable campagne d'attentats et de prise d'otages d'occidentaux. Américains, mais aussi français. Ouais, mais alors, la raison profonde. Bon, il ne fait nul doute que l'Iran se trouve derrière ces actions terroristes. L'Iran engagé dans une terrible guerre contre l'Irak et qui entend ainsi peser sur les occidentaux qui soutiennent alors l'Irak. Donc, rien à voir avec la crise libanaise ? Non. Non, d'autant que dès le début de 1984, la force multinationale a plié bagage. Enfin, je voudrais quand même vous signaler l'entrée dans le jeu libanais d'un nouveau personnage. Mais qui ? Rafik Hariri, un richissime homme d'affaires. C'est lui, au cours d'une rencontre secrète en France avec l'un des deux hommes forts des phalangistes, Eli Obeika, qui a persuadé ce dernier que la paix au Liban ne pourrait aboutir qu'au prix d'une entente avec la Syrie. Ouais. Hariri, qui est donc alors pro-syrien. Hein. Ouais, enfin, ou réaliste, comme vous voudrez. Rendez-vous avec X. Monsieur X va bien sûr reparler de Rafik Hariri. Alors, avant de poursuivre, quelques éléments biographiques sur cet homme qui sera plusieurs fois Premier ministre d'un Liban pacifié. Hariri, contrairement à tous les autres dirigeants qui se sont succédés depuis l'indépendance, n'était pas issu d'une grande famille. D'abord, modeste entrepreneur en bâtiment, ce sunnite, né à Saïda, va construire néanmoins une immense fortune. J'emprunte la suite à Mouna Naïm, la correspondante du Monde. La chance commence à lui sourire lorsque, après quelques années passées au poste d'expert comptable d'une entreprise d'agrumes, il décide en 1967, comme de nombreux compatriotes et d'autres ressortissants arabes, de tenter d'aller faire fortune en Arabie Saoudite, pays par excellence de l'or noir. Il fait mouche dans un royaume où tout est à construire et où ce ne sont pas les moyens qui manquent. Mais son coup de maître aura été de relever un défi posé par le prince héritier saoudien et futur roi Fahd, qui lui demande en 1980 de construire en un temps record un centre de conférence pour accueillir un sommet de l'organisation de la conférence islamique OCI. Sa fortune est faite et ira désormais grandissant. Ses liens avec la famille royale, en particulier avec l'un des fils du roi Fahd, et ses moyens financiers lui donnent les clés d'une ascension rapide. Fait rarissime, il est même naturalisé saoudien. Bien que n'ayant pas fait d'études supérieures, Rafik Hariri, tout en maintenant ses activités dans le royaume wahhabite, aura le flair et l'intelligence de diversifier par la suite ses sources de revenus. Lorsque, en 1978, il revient dans un Liban en guerre depuis 3 ans, il ne prend position pour aucun des clans en conflit et maintient le contact avec tous les protagonistes. Toutes ces divisions entre factions, chefs phalangistes contre Gemayel, Hamal contre Hezbollah ou encore palestiniens et drus contre Hamal, arrangent bien la Syrie. Mais quand elles ne les suscitent pas, si je vous ai bien compris. Ouais, vous avez tout à fait raison. Parce que plus les Libanais sont divisés, plus ils auront tendance à demander un jour à Damas de rétablir la paix. Et la Pax Syriana. En effet. Et on assiste à une première tentative à la fin 1985. Hafez el-Assad rassemble sous sa houlette Eli Obeika, Walid Jumblatt et Nabi Berri. C'est-à-dire les chefs réciproques, des phalangistes, des druzes et des chiites d'Hamal. Et un accord est signé par ces trois chefs et contresigné par le vice-président syrien Abdelalim Kadam. Et quels sont les termes alors, de cet accord tripartite-là ? Bien, le socle, c'est l'établissement de relations privilégiées entre la Syrie et le Liban. Pour une sorte de mise sous tutelle. Ça y ressemble, oui. Ensuite, il est prévu des réformes constitutionnelles, et en particulier la fin du confessionnalisme. Mais ça, c'est un serpent de mer. Tout le monde, ou presque, le réclame. Oui, personne ne travaille vraiment à le mettre en œuvre. Hein. Enfin, il est décidé de mettre au pas les Palestiniens. toujours accusé de vouloir former un État dans l'État. Mmh. Et Gemayel dans cette histoire-là, parce que c'est tout de même le président de la République. Ah ben, il n'a pas été consulté. Ah bon. Et quand à son tour, au début 1986, il se rend à Damas, il refuse d'entériner l'accord. Un accord qui, n'importe comment, devient inapplicable, car un conflit éclate au même moment entre les deux chefs militaires chrétiens, Beika et Jaja. Un conflit si violent que les partisans des deux hommes s'affrontent les armes à la main. Résultat, Beika, pris au dépourvu, doit fuir à Damas. Eh bien, quelle est la raison fondamentale de cette algarade? On n'allait pas chercher d'idéologie là-dessous. Hein. Ces deux hommes, également brutaux et dominateurs, ne peuvent tout simplement pas cohabiter. Il y en a un trop, quoi. Voilà. Alors, pour se justifier, ils invoquent leur position vis-à-vis de la Syrie. Pour ou contre? C'est ça. Mmh. Et c'est si vrai que le discours de Jaja, devenu brusquement anti-syrien, trouve des échos chez les chrétiens. C'est pour cette raison qu'il triomphe de son rival? Oui, simultanément, le poison de la division gagne tous les camps. Les alliés d'hier deviennent soudain des ennemis. Et la Syrie souffle sur les braises? Naturellement, comme Hafez al-Assad n'a pas réussi à imposer sa paix, il alimente les ferments de division. Mmh. En espérant qu'un jour, on reviendrait vers lui pour demander son intercession. Oui. Non, je ne vais pas énumérer tous ces conflits, ça serait fastidieux. Sachez seulement que les miliciens chiites disputent aux Palestiniens le contrôle des camps du sud de Beyrouth. Ce qu'on va appeler la guerre des camps et qui va durer de très longs mois. 30 mois même pour le camp de Burj al-Barani. Inutile de vous dire que le bilan humain est catastrophique. C'est donc plus que jamais le chaos. Et Damas en profite pour pousser ses pions. Les troupes syriennes s'interposent entre les miliciens druzes et les chiites d'Amal et prennent position autour des camps palestiniens. Ce qui ne va pas sans difficulté. L'autre camp chiite, le Hezbollah, résiste. Ouais, le Hezbollah qui est inspiré par l'Iran. Hein. Et des heurts sanglants opposent ces miliciens aux forces syriennes. Alors là, maintenant, c'est l'Iran contre la Syrie. Et ce sont les Libanais qui font les frais de ces rivalités. C'est particulièrement vrai au sud du Liban, où les Israéliens se sont repliés dans leur zone de sécurité. Repli tactique. Surtout exigé par l'opinion publique israélienne, qui juge de plus en plus sévèrement l'aventure libanaise de son armée. Mais le Hezbollah profite aussitôt de ce retrait pour s'imposer et éliminer progressivement ses rivaux du mouvement Hamal. Désormais, ce sont ces miliciens pro-iraniens qui harcèlent les Israéliens et leurs alliés de l'armée du Liban Sud. Mais au milieu de ce désordre organisé, c'est bien ça. Mm-hmm. Est-ce que le Liban est encore dirigé? Vous voulez dire, est-ce que les institutions politiques existent encore? Eh bien oui, il y a toujours un président de la République, Amin Gemayel, qui se démène tant bien que mal et essaie de quémander l'aide internationale. Il y a même une assemblée législative formée de députés élus en 1972, je crois. Oui, 72, ouais. Et est-ce qu'il leur arrive de se réunir? Difficilement, mais effectivement, parfois, ils se réunissent. Cependant, que peuvent-ils faire? Pas grand-chose. Enfin, il existe un gouvernement, même si les démissions de premiers ministres ne cessent de se succéder. Toutefois, en 1987, le premier ministre nommé par Gemayel est alors Rachid Karame. C'est un sunnite, hein? Bien sûr. Ouais. Et cet homme, qui a déjà exercé à plusieurs reprises la fonction de premier ministre, est peut-être le dernier espoir du Liban. Pourquoi? Parce que c'est un politicien particulièrement habile, qui est sans doute le seul à pouvoir amorcer une réconciliation. Il envisage même de reconstituer l'armée qui est déchirée depuis si longtemps. Mais c'est une tâche quasi impossible. Et en désespoir de cause, Karame fait appel à Damas. Mais lui aussi. Hafez al-Assad s'empresse de lui donner satisfaction, et je vous l'ai dit, les forces syriennes s'interposent dans Beyrouth Ouest. Mm-hmm. À la demande de Karame, donc. Oui, mais l'habileté manœuvrière du Premier ministre ne suffit pas à ramener le calme. Aussi, Karame finit par jeter lui aussi l'éponge au début mai. Et Gemayel lui demande d'expédier les affaires courantes. Mais trois semaines plus tard, Karame, que l'on presse de revenir sur sa démission, meurt dans un attentat. Un de plus. Et un nouveau choc pour les Libanais. Et cette fois, alors, qui étaient les assassins? Les phalangistes de Jaja. Ce dernier sera d'ailleurs plus tard condamné à la prison à vie pour avoir commandité cet assassinat. Ouais. Jaja qui joue donc la politique du pire. Oui, ce n'est pas trop surprenant. Peut-être espère-t-il, comme Béchir Gemayel autrefois, apparaître comme l'homme fort capable de s'imposer et de tenir la dragée haute au président Hafez al-Assad. Ce n'est pas ça le plus étonnant. Dans ce pays déchiré où l'insécurité est permanente et qui est largement occupé par des forces étrangères, la fièvre gagne tous les milieux politiques. Mais de quoi s'agit-il? C'est assez inimaginable, mais il s'agit de la future élection présidentielle. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. 8 mois avant de quitter le pouvoir, au début de 1988, le président Amin Gemayel publie un livre, L'offense, et le pardon. Une sorte de testament politique extrêmement lucide. J'en extrais ces quelques lignes. Le gouvernement, détenteur du pouvoir exécutif et pièce maîtresse de l'action politique, est réduit à l'impuissance. Victime de tous les éloignements et divisions du Liban, le gouvernement a cessé de se réunir. Les concertations téléphoniques, les dialogues par personnes interposées, les envois de messages se poursuivent, tandis que la pérennité de la présidence de la République permet certes d'éviter une paralysie totale. Mais tous les procédés utilisés, si ingénieux soient-ils, ne peuvent remplacer l'exercice normal du pouvoir. L'armée, quant à elle, a toujours été l'un de mes soucis majeurs, puisque notre souveraineté ne peut être rétablie qu'au prix de la renaissance de nos forces militaires. Je me suis attelé à cette tâche durant les deux premières années de mon mandat, avant que les forces centripètes à l'œuvre ne viennent faire éclater l'armée en différentes brigades. Il n'y a rien de plus tragique, en effet, pour un État et pour son chef, que de manquer de la force militaire nécessaire pour faire régner l'ordre, imposer la loi et sauvegarder l'intégrité du territoire national. Que des brigades confessionnelles soient les seules à tenir lieu d'armée nationale, voilà l'aberration, voilà le drame. Alors, le milieu politique libanais s'agite en dépit de la situation dramatique du pays. Et quels sont les candidats éventuels à l'élection présidentielle? Ah bah tous des chrétiens, on ne peut pas en être autrement selon le pacte national de 1943, vous en souvenez. Et bien que ce poste soit particulièrement exposé, ils sont nombreux à faire acte de candidature. Parmi eux, il y a le vieux Soleiman Frangier, mais aussi un exilé, Raymond Hédé, très anti-syrien et farouche partisan de l'indépendance de son pays. Et puis, il y a le général Michel Aoun. Ah oui, Aoun qui va jouer un rôle essentiel dans la suite des événements. Oui, naturellement, le candidat doit recevoir l'intronisation de la Syrie, mais aussi des États-Unis. Car les Américains, après s'être longtemps désengagés, s'intéressent à nouveau au Liban. Et puis, disons-le tout de suite, ils continuent à considérer que la Syrie intervient plutôt positivement au Liban. D'ailleurs, il faut le souligner, 3 ans plus tard, la Syrie se rangera aux côtés de la coalition lors de la première guerre du Golfe. Oui, contre Saddam. Alors, ça veut dire que le futur président doit être aussi agréé par Washington? Bah, à mon avis, c'est préférable. Et aucun des 3 candidats dont je vous ai parlé ne trouve grâce auprès des Américains et des Syriens. Frangier, parce que c'est un ennemi du clan Gemayel. Hédé, parce qu'il est hostile à Damas. Et Aoun, parce qu'on soupçonne ce général d'ambition bonapartiste. Donc on va se rabattre sur un quatrième homme. Un certain Mikhail Al-Daer. Alors, c'est quoi? C'est un choix neutre, hein? Mais attendez, quand même, pardonnez-moi de revenir en arrière, mais c'est quand même bizarre, cette connivence entre Damas et Washington. Ah, pas tant que ça. Certes, la Syrie a longtemps flirté avec Moscou, mais à la Maison-Blanche, on estime qu'il est tout à fait envisageable que Damas se rapproche de l'Ouest. Mais surtout à un moment, enfin, la fin des années 80, où le camp de l'Est commence à flageoler sérieusement. Oui, c'est certain. Enfin, je poursuis. L'affaire présidentielle traîne. Chacun tire à U, à Dia, enfin, je vous passe les détails. En tout cas, à la fin de l'année 1988, le président sortant, Gemayel, doit prendre une décision. Et pour diriger au moins provisoirement le pays, il nomme un gouvernement militaire composé de 3 chrétiens et de 3 musulmans, sous l'autorité du général Aoun. Mais les musulmans se désistent aussitôt. Et en face, sous la pression syrienne, un autre gouvernement est formé par le premier ministre sortant, le sunnite Selim Hosse. Alors, si je résume, il n'y a pas de président de la République, mais il y a 2 gouvernements. Exactement. Le Liban, malgré la guerre, malgré l'occupation étrangère, n'a encore jamais connu une telle crise institutionnelle. Que peut-il se passer, là? Aoun, qui estime être légitime, ne perd pas de temps et passe à l'offensive. Avec ce qu'il reste d'armée libanaise, il s'attaque au nerf de la guerre. C'est-à-dire, là? Ces ports privés, dont nous avons déjà parlé, souvenez-vous, et qui permettent à toutes les milices de percevoir des droits de douane et surtout de se livrer au très florissant trafic de drogue. Il veut donc les asphyxier en les privant de ressources. Oui, et bien qu'il soit lui-même maronite, il n'hésite pas à s'en prendre aux forces libanaises de Jaja, qui multiplient les exactions. Ce qui lui vaut, il faut le noter, une sympathie certaine chez les musulmans de Beyrouth Ouest. Et comment alors réagit la Syrie? Damas, bien entendu, ne reconnaît pas le gouvernement d'Aoun et riposte à sa façon en bombardant les positions de l'armée libanaise. Le général réplique en déclarant qu'il lance la guerre de libération. Libération, c'est-à-dire la guerre contre l'occupation syrienne. Oui, et en même temps, il lance un appel à l'aide en direction de la communauté internationale. Un appel entendu? Non, Non, pour l'ONU, il s'agit d'un conflit purement intérieur. Quant à François Mitterrand, il a beau répondre en lançant lui aussi un appel en faveur du Liban, ce ne sont que des mots. Seul, Saddam Hussein réagit favorablement en promettant son aide. Oui, mais il ne le fait que parce qu'il est hostile à Fès al-Assad. Bah, bien sûr. Et la situation militaire du général Aoun, retranché dans le palais présidentiel de Baabda, devient de plus en plus difficile, car les bombardements syriens sont incessants. Et au bout de 6 mois de siège, il est contraint de demander un cessez-le-feu. Et c'est alors que la diplomatie arabe, impuissante jusque-là, va enfin faire la preuve de son efficacité. Et comment ? Un comité tripartite, Arabie Saoudite, Maroc, Tunisie, multiplie les contacts entre les différentes factions. Et dès cette époque, Rafik Hariri émerge. Comme quoi, conciliateur ? Oui, il est très actif. Et son entregent lui vaudra d'occuper plus tard plusieurs fois le poste de Premier ministre. La France aussi semble sur le point d'agir. Et envoie une flotte importante au large des côtes libanaises. La paix semble s'approcher. On s'achemine vers la conférence de Taïf, qui se tient en Arabie Saoudite en septembre 1989. Sous le patronage des Saoudiens, 58 des 62 députés élus en 1972 parviennent enfin à se réunir. C'est presque un miracle. En effet, oui. Et en l'espace de 3 semaines, ces députés, en dépit du fait qu'ils ne sont plus très représentatifs, vont parvenir à la rédaction d'un document d'entente nationale. Oui, mais ça, c'est les accords de Taïf, tout ça. Oui, auxquels se réfèrent toujours un certain nombre de dirigeants libanais. Surtout les prussiens. Évidemment. Oui. Alors, rapidement, qu'y avait-il dans ces accords ? Le premier principe, c'était l'égalité entre musulmans et chrétiens. Ensuite, il était prévu un abandon progressif du confessionnalisme politique, un certain nombre de réformes et la dissolution des milices. Enfin, et ce devait être l'article le plus important, ces accords reconnaissaient la souveraineté de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire. Oui, donc la fin de l'occupation par les forces étrangères israéliennes et syriennes. Israéliennes, sans aucun doute. Syrienne, c'était beaucoup plus ambigu. À Taïf, les députés ont mis l'accent sur les relations fraternelles, privilégiées qui devaient s'établir entre les deux pays. Et il était noté que la Syrie devait aider les forces libanaises à restaurer l'autorité de l'État. Voilà. Bref, il était permis aux troupes syriennes de demeurer au Liban. Et au bout de 2 ans, il était prévu qu'elles se regroupent dans la plaine de la Bekaa. Mmh. Mais leur départ effectif, alors On en discuterait plus tard. Alors, vous avez raison de parler d'ambiguïté, Et j'imagine que c'était parfaitement inacceptable pour un homme comme le général Aoun. Ah oui, parce qu'il considérait que Taïf consacrait l'emprise syrienne sur le Liban. Après 14 ans de guerre, Hafez al-Assad venait donc de gagner. On peut le penser. Aoun conteste donc Taïf, et dans la foulée, il conteste aussi l'élection présidentielle qui suit. D'ailleurs, il annonce la dissolution de la Chambre des députés. Qui est élu alors ? René Mouawad. 3 semaines plus tard, il est assassiné. Encore un attentat, oui, à la voiture piégée. Peut-être perpétré par des partisans du général Aoun. Ouais, ça me semble en tout cas assez logique. Un autre chrétien, Elias Khaoui, qui lui succède aussitôt. Ce nouveau président révoque Aoun et nomme à sa place le général Laoud. Qui est l'actuel président de la République. Oui, mais Aoun n'accepte pas sa destitution et entame la résistance, toujours retranché dans le palais présidentiel de Baabda. La suite, vous la connaissez. Aoun subit d'abord les coups des milices chrétiennes de Jaja. Une guerre entre chrétiens. Et ces affrontements interchrétiens sont d'une extrême violence. Puis comme Aoun résiste toujours, le gouvernement libanais se tourne vers la Syrie et lui demande, secrètement, de passer à l'action contre le général rebelle. Et encore une fois, bien sûr, Hafez al-Assad s'empresse. Et il le fait d'autant plus tranquillement qu'il a les mains libres maintenant. Que vous voulez dire ? Le président syrien a pris fait et cause pour la coalition dressée contre Saddam Hussein après son invasion du Koweït. Il sait donc que les Occidentaux n'interviendront pas contre lui au Liban. Alors Aoun va donc succomber à cause de la guerre du Golfe ? Et grâce à Saddam Hussein, c'est la vérité, oui. En octobre 90, l'aviation syrienne bombarde le palais de Baabda. Pour épargner des vies, Aoun se rend et trouve refuge à l'ambassade de France. Ouais, ensuite, il sera accueilli chez nous. Oui, on lui demandera assez fermement de s'abstenir de toute activité politique. Alors, a-t-on, comme plusieurs intellectuels français l'ont prétendu, sciemment lâché le général Aoun ? La France, vous voulez dire ? Sans doute, mais honnêtement, que pouvait faire la France ? Paris, comme la plupart des autres capitales, a applaudi aux accords de Taïf. car il y avait enfin un espoir de paix. Au prix quand même de la subordination du Liban à la Syrie. Hein. Bon, je suis d'accord, mais enfin, il fallait quand même en finir avec cette interminable guerre civile. Et qu'on le veuille ou non, il faut bien reconnaître que les Libanais ont cessé de s'entretuer. Et si les chrétiens ont perdu une grande partie de leur influence, ils le doivent non pas à la mise à l'écart du général Aoun, mais au faux pas de 1992, lorsqu'ils ont refusé de participer aux élections législatives. Toutefois, les récents événements peuvent laisser espérer un ressaisissement, et surtout, pour la première fois, d'un renoncement au confessionnalisme politique. La longue guerre du Liban, qui a commencé il y a tout juste 30 ans, a-t-elle été une guerre de religion ? Elisabeth Picard, chercheuse au Centre d'études et de recherche internationale, s'inscrit en faux et dans une interview à Télérama en 1994, elle déclare, je la cite, « Il faut faire la distinction entre les appartenances religieuses et le fait communautaire comme base du système politique libanais. Des sunnites, des chiites, des maronites, des druzes, des grecs orthodoxes, etc. siègent à la Chambre des députés comme représentants de leur communauté. Ces appellations religieuses ne signifient pas du tout qu'ils sont défenseurs de croyances qui voudraient s'éradiquer mutuellement. Elles signifient que l'on est chiite, maronite, druze, et c'est sur cette identité que sont fondés les rapports sociaux et politiques. La guerre de religion au Liban est vraiment un masque. » Et à la question, chaque Libanais ne peut donc se définir que par son appartenance à telle ou telle communauté, Elisabeth Picard répond. Oui, puisque l'on ne peut pas exister en dehors d'elle. Mais l'appartenance à une communauté au Liban signifie à la fois tout et pas grand-chose. Tout, parce qu'on ne peut pas faire des affaires, on ne peut pas trouver un travail, on ne peut pas se marier, etc., sans l'aide et le contrôle de sa communauté. Mais pas grand-chose parce que chaque personne, chaque petit groupe peut faire des choix sociaux, idéologiques, culturels différents. Dans toutes les communautés, il y a des pauvres et des riches, des gens de droite et des gens de gauche, et des affrontements. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Je vous rappelle aussi que vient de paraître un nouveau volume des mémoires de M. X, Les Rendez-vous inédits, coédité par France Inter.